pour une carte paquet de céréales. T'as plein de chiffres, c'est pas normal. Des chiffres partout, des théorèmes qui rendent fous. Les mathématiques.